Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès Sifou pour la semaine du 1er au 7 novembre 2010. C'est Stéphanie Gagné. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bienvenue à vous pour ce condensé de la meilleure musique que Sifou a à vous offrir. Et cette semaine, encore une fois, moins que la semaine passée, mais quand même, on a beaucoup, beaucoup de nouvelles entrées. Oui, on a 8 nouvelles entrées cette semaine, de très bonnes nouvelles entrées. On a hâte d'entendre ça. Ça va être assez incroyable. Du côté franco, on a Danny Placard, Chantal Archambault, Alex Lemagnac et Ripé. Et du côté anglophone, on a Black Mountain, Rara Riot, nouvelle pièce de Diamond Rings et Humans. On va commencer avec les positions numéro 20. Tout à l'heure, Humans avec Avec Mes Mecs, la pièce titre de leur plus récent album. Mais on va commencer avec la pièce Rockstar de Ripé, 20e position. Au palmarès, c'est fou! Entrée.

Diamond Rings et Something Else, position numéro 19 anglophone, c'est tout nouveau. Oui, et juste avant, c'était Alex le Maniaque avec Monsieur Ballonné. Avant ça, on a entendu les positions numéro 20, Humans et Ripé. Humans, l'album s'appelle Avec mes mecs, et Ripé, ça s'appelle Ripé. Hein? Deux albums nommés pareil comme artiste, c'est quelque chose. On est rendu aux positions numéro 18 et 17, un deuxième bloc de nouvelles entrées. On va se faire ça dos à dos, comme le premier bloc. Que de la nouveauté dans vos oreilles, parce qu'on veut après ça passer à autre chose. Oui, on va entendre Rare Riot avec la pièce Too Dramatic à la 18e position. Mais on commence avec la 18e francophone. Voici Chantal Archambault et Le Poêle à bois. J'ai le feu pris à l'intérieur de moi. J'ai le cœur qui vit au tremblement dans tes yeux. Je me dépense entièrement. Tes mots tendres me fondent dans la bouche. Les fils de mes nombreuses idées se touchent. Je n'ai plus qu'à abandonner mon corps. I don't understand it. understand it. You're too dramatic. Au retour, Danny Placard et Black Mountain dans les palmarès C'est fou 89 FM. Nouvelle entrée. Black Mountain avec la pièce Old Fang. C'était la 17e position et c'est une nouvelle entrée cette semaine. Alors, on s'en a entendu Danny Placard avec sa nouvelle pièce Janine de son album, de l'album Placard, en fait, celui avec son band, là. Et on a aussi entendu à la 18e position, il y avait Rara Riot avec Too Dramatic et Chantal Archambault avec Le Poids à la Boire. J'apprécie pas mal nos nouvelles entrées cette semaine. Je trouve que ça fait très le travail, ça. Oui, oui, très bon. Très bon. On avance, on est dans les palmarès C'est fou, qui est un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Plus tard dans l'émission, on va avoir la chronique de Stéphanie sur les actualités culturelles. Guess what? Oui, on va aussi avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis de 7h à 9h du lundi au jeudi. Wow, mais merci pour la superbe plug. Hein? Donc, tout plein de raisons de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va sauter par-dessus les 16e positions, c'est-à-dire The Mockingbirds avec Lève le son en franco et Danko Jones avec I Can't Handle Moderation du côté anglophone. Oui, mais on va aller écouter d'excellentes pièces à la 15e position. On va aller entendre Katie Tunstall avec Still Weirdo de son nouvel album Tiger Suit. Mais pour l'instant, tout de suite, voici Olinéa avec une feinte au trépas. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Les pieds en bas, une feinte au trépas pour déjouer le scénario. La caméra pour voir de plus bas, pour trébucher une dernière fois, un dernier saut pour sentir le vent. Plus fort que t'entends et qui en saute sans pardonner. Accroche-moi à ce qui t'a rendu bon pour garder le nom à la tête. We'll automatic to grow into a soulless static. But here I am upon the same spot, attempting to lift off into space. I don't always get it right, but a thousand different ways, and I just might pay my lip service, keep it eloquent, optimistic, but never quite elegant. Still a weirdo, still a weirdo. Install avec la pièce Still a Weirdo. C'est à la 15e position. Juste avant, Franco, c'était Olinéa avec une feinte au trépas. Ça, ça monte d'une place. C'est la 4e semaine pour Olinéa. Et puis, ça monte pas très, très vite, ça. Hein? Non, pas tant. Un à la fois. Hein? Ouais. Parce qu'après 20 semaines, ça va être à la première position. Je leur souhaite bien. Leur album s'appelle La Bête de l'Homme. Avant de passer aux 14e position, Kaloun Saloon et OK Go. On va virer la page pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour ceux qui sont pas au courant encore, après autant d'années, after all these years, comme dans la chanson, là, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Et moi, je call Shotgun sur le top loud. La semaine passée, j'ai fait l'électronique et j'ai scrappé le nom de quelques artistes. Donc, Shotgun, je vais te le laisser. Je pensais Shotgun, ça veut dire que tu voulais le faire, non? Ouais, c'est ça. Moi, je fais Shotgun, top loud. OK, donc je vais commencer par le top 30 des albums. Ça te dérange-tu, c'est correct? C'est ça que tu veux? Okay. Non, faut que tu fasses l'électronique, Mathieu. Ah, tout de suite l'électronique. Ben, à vos ordres, capitaine. On va commencer avec ça. Quelques nouvelles entrées dans le top électronique. Il y en a une seule. Tiens, la 5e, Gonha Sufi avec The Caliph's Tea Party. En 3e position, ça monte d'une place. Handful of Snowdrops avec j'allais dire en anglais, Mort and Direct. Mort en direct, Remastered Edition. En 2e, ça monte de une Blonde Redhead avec Penny Sparkle. Et en 1e, ça monte d'une place, Sufjan Stevens avec The Age of Odds. C'est pour ça que je voulais pas le faire, tu vois. C'est pas évident à prononcer parce que ça s'écrit pas comme ça se dit. C'est comme si ton nom s'appelait, Stéphanie, mais que ça s'appelait, fallait que tu le dises, Cassandra. En fait. Comme ça a aucun rapport, mais bon. Dans le top 10 loud, il n'y a pas de nouvelle entrée cette semaine. 3e position, c'est James Labrie avec Static Impulse. 2e position, Blind Guardian avec At the Edge of Time. Et 1re position, Murder Dolls avec Women and Children Last. Ouais, passons donc au top 30 des CD. Les nouvelles entrées là-dedans, il y en a 3. On trouve en 20e position Humans, qu'on a entendu précédemment dans l'émission avec mes mecs. En 19e, Diamond Rings, même chose, Special Affections. Et en 17e, même chose encore, Black Mountain avec Wilderness Heart. Donc, des choses du top 20 qui sont aussi dans le top 30 des CD. Position numéro 3, ça descend de 2 places, Tokyo Police Club avec Champ. En 2e, c'est Stable, The Gaslight Anthem avec American Slang. Et en 1re, ça monte de 7, Land of Talk avec Cloak and Cipher. Et dans le top 3 des 10 canadiens, moi, je commençais à avoir hâte personnellement que ça change un peu. Ça faisait longtemps que c'était les mêmes groupes, New Pornographers, Mr. Valère, qui ne sont plus dans le top 3. Maintenant, la 3e position, c'est Chili Gonzalez avec Ivory Tower qui monte de 6. 2e position, c'était le numéro 1 la semaine dernière, Tokyo Police Club avec Champ. Et numéro 1, Land of Talk avec Cloak and Cipher qui monte de 7. Voilà pour le tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On revient dans la lignée des top 20. On va l'entendre dans les positions numéro 14 en anglo. C'est OK Go avec White Knuckle qui monte de 5 places. Et côté francophone, on va tout de suite aller écouter Caloon Saloon avec En Manque, qui monte de 3 positions. Nouvelle entrée la semaine dernière. On parlera assez fou au 89.fm. So bad. needs a crutch, but couldn't good be good enough? Cause nothing ever doesn't change, but nothing changes much. Yeah, maybe it's not so bad. So let your head down now when the ghost. Or maybe it's not so bad. OK Go avec la pièce White Knuckles, c'est à la 14e position et ça monte de 5. Et juste avant, on a entendu Kaloon Saloon avec la pièce En Manque qui monte de 3. Mathieu, tu vas bien? Ça va extrêmement bien. J'adore la musique qu'on joue aujourd'hui. Puis moi, je suis encore sur le high de OK Go du spectacle. C'est pas pour toi, là. Oui, mais dans le fond, quand il y a des shows aussi bons que ça, moi, je reste sur le high jusqu'au prochain bon spectacle. Là, j'ai eu Our Book and the Authors qui m'a fait capoter. Fait que je suis un peu moins sur le high de OK Go, mais encore un peu. Ouais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est passer aux prochaines positions, c'est-à-dire les 13e. On va entendre Fun tout à l'heure avec All the Pretty Girls. Ça monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée. Mais on commence avec 354 Barry avec la pièce Ram qui monte de seulement une position. Ah, juste une. Ça aussi, ça monte pas vite. Ça rame pas vite, hein, moi. C'est... la pagaie. C'est un palmarès assez fou, 89 FM. Ben oui, ferme ta gueule, Biram, c'est ce qu'ils disent, Caroline, hein? Quand même, c'est fou, hein? Pris par surprise de même, hein? T'aimes ça? C'est comme une surprise. Ouais. Mais c'est plus comme un hostie. C'est tellement pas bon, un hostie, hein? Hein, non? Moi, j'ai eu ça, en tout cas. Ça, c'est fun, hein? Oui. C'est vraiment le fun. Fait que All the Pretty Girls, the fun, ça va super bien. C'est ça. Rien de plus à dire. Pretty girls on a Saturday night. So I call your name, cross my fingers, uncross the others, hesitate. Oh, I don't think straight with nothing to prove. I don't wanna say I'm leaving, I'll say until the week. chains, the boxes and rings, and get gone. 'Cause I've been waiting for all the pretty girls on a Saturday night. Let it be, you'll come to me with the look in your eyes. Where you break and take all the words from my mouth. I wish all the pretty girls were shaking me so. J'adore cette pièce de Fun, All the Pretty Girls. Position numéro 13, ça monte de 3 places. Oui, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à du Queen. Oui, en bien. Oui. Je sais pas pourquoi ça pourrait être en ouais, mal, mais en bien, mettons. Oui, et c'est ça, c'est la fin de la première heure. Oui, tantôt, pour ceux qui se demandent, parce que moi, souci de transparence, beaucoup trop de détails, mon fil d'écouteur s'est enfergé dans ma chaise, il voulait plus s'enlever, j'étais comme « Ah, pas d'écouteur, qu'est-ce que je vais faire? » Parce que tout le monde sait que sans écouteur, on peut pas faire de radio, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire. La voix se transporte pas dans le micro si on n'a pas d'écouteurs. Moi, il faut que je m'entende. J'aime ça. Ma voix est tellement douce, hein? Pas du tout comme gossante. Puis, peux-tu la fermer, mettons, tu sais? Comme le matin, ça réveille mal, je trouve. Non? C'est pour ça qu'on anime le matin, François-Olivier. Ouais. Pour vous, vous remplir ça de miel. Donc oui, c'est la fin de la première heure. Il y en a une deuxième tantôt et une troisième suivra. Dans la deuxième heure, il va y avoir la musique de Chinatown, Alex Nevsky, Jésus et Fille, The Saltines, Fan Flash et Mister Vala. Mais aussi, la chronique Guess What. Oui, la chronique Guess What. Avec des nouvelles artistiques, hein? C'est un peu... Ouais. Je vous donnerai pas de scoop. Non! Tantôt. Ah ben, la tenante! Restez là! Deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 1er au 7 novembre 2010 avec Stéphanie Gagné. Et avec Mathieu Plante. Bien évidemment. Hein? Bien évidemment, Mathieu Plante qui est toujours en studio. Ben, la fin d'une introduction d'émission ou d'heure se dit souvent « et Mathieu Plante ». Il y a souvent la mention de Mathieu Plante. Dans... Partout. C'est un peu ça. Mathieu Plante mène le monde. Peut-être un jour, je serai le roi de V. Non, c'est vraiment pas. C'est une blague d'un gars le soir. Fais pas ça, non? Non. Okay. King de Bay. On est rendu au position numéro 12 du côté anglophone. Ça va être Mr. Valère avec Gumshoe. Ça monte de 5 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Mais on va commencer avec Jésus les filles avec la pièce On verra qui monte de une position. Côté francophone, ça avance pas vite. Hein? Non, hein, les gens sont comme la la la la la, ils attendent, puis l'autobus passe, puis ils arrêtent, mettons. Puis, l'autobus vers le sommet du palmarès, mettons. J'essaie de faire les dessins aux gens. Jésus les filles, on verra. Palmarès, c'est fou. 89.fm. Bien dit. Merci. Cerné, séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Like Mister Valère et Gumshoe, position numéro 12, ça monte de 5 places. Juste avant, c'était Jésus les filles avec On verra qui monte de une position. C'est sa cinquième semaine au palmarès. Tout à l'heure, les positions numéro 2-11. Hein? On va entendre tout à l'heure Chinatown et Fall on Flash, mais pour l'instant, c'est des nouvelles culturelles et artistiques. Et voici Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Devinez ce qui se passe, c'est Stéphanie qui va vous le dire. Oui, plein de nouvelles cette semaine. J'ai trouvé ça très bref comme introduction, je m'attendais pas à ça. Ouais, ben c'était pas meilleur que d'habitude, mais c'est plus court au moins, fait que moins de souffrance pour les gens. Tout à fait. Alors, bon, j'ai écrit ça en anglais. Pourquoi j'ai écrit ça en anglais, hein? Parce que t'es une tête carrée. C'est ça que tu me dis quand je te demande cette question-là? Pourquoi t'as écrit ça en anglais, sérieusement? Je sais pas. Ouais, tu mais réfléchis en anglais? Tu sais, quand on est bilingue, des fois, on écrit puis on se rend pas compte dans quelle langue on écrit. Puis là, je l'ai vraiment écrit en anglais. Je m'en suis pas rendu compte. D'accord, non, mais c'est le correct. Le reste, c'est en français. Bref, Tokyo Police Club... On va sous-titrer au pire. ...sont allés dans les studios de Day Trotter pour jouer des chansons de leur dernier album, Champ. Et en plus de jouer des chansons de cet album-là, ils ont aussi joué une nouvelle chanson qui s'intitule « Top 5 ». Vous pouvez écouter la pièce sur daytrotter.com et vous pouvez même downloader la session au complet. J'ai trouvé ça sur Some Kind of Awesome. Et en plus, Tokyo Police Club a annoncé une nouvelle date de spectacle au Québec. Ça va être le 16 janvier prochain au Club Soda. Ensuite de ça, The Audio Bullies... Oh, mon Dieu, ça aussi, c'est en anglais! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non! Je sais pas! The Audio Bullies ont annoncé que leur troisième album, Higher Than The Eiffel, va sortir le 18 janvier prochain sur The End Records. Ensuite de ça, tu savais, cette semaine, c'était l'autre gala de la disque, lundi. Oui! Il y a le gala de la disque en fin de semaine. Donc, petit retour sur le gala, sur l'autre gala de la disque. Le bon! Hein? Ouais, mais il y a quand même plein d'artistes qui sont bons puis qui vont être dimanche. Qui vont être le dimanche. Ah, c'est vrai, j'ai oublié Maxime Landry. Come on. Comme Radio. Ah, oh, Radio. Comme ça. Ah oui. Ben, Savalière, tu sais, des groupes comme ça. Ouais. Bref, donc, bon, je vais garder Cœur de Pirate pour la fin parce que c'est le plus drôle. album alternatif, c'est Carquois avec Les Chemins de Verre. Pas très, très étonnant, étant donné qu'ils ont gagné quand même le Polaris cette année. Vidéoclip de l'année pour Mara Tremblay, qui est en arrêt de travail pour épuisement professionnel. C'était la première fois qu'elle sortait de chez eux, puis elle avait l'air quand même en santé, c'est bien. C'est ça, c'est pour le clip Le Printemps des Amants. Ensuite de ça, album anglophone, Bobby Bezzini avec Better in Time. Bobby Bezzini, que je connais pas du tout, mais à ce c'est comme le petit chouchou, là. Ouais, ben c'est, on dit que c'est le chouchou de certaines stations télévisées et radiophoniques que vous connaissez peut-être, qu'on nommera pas. Mais pour l'avoir entendu... J'en ai jamais entendu. C'est bon. Trouve, moi, j'aime bien. Tu sais? Parce que des bonnes affaires dans ce qu'ils jouent dans les ailleurs. T'sais. Ouais, mais tout le monde en parle, mais j'ai l'impression qu'ils en font pas jouer. C'est peut-être ça, là. Ça commence. Cas, moi, j'ai l'impression parce que c'est certainement pas dans leur top, dans leur genre d'équivalent de palmarès. Ça. C'est pas rendu là, mais on dit que TVA les aime bien. C'est la rumeur qui court. Et dans cette catégorie-là, album anglophone, il y avait aussi Champion et We Are Wolves. J'aurais bien aimé que We Are Wolves gagne, mais beaucoup moins de gens qui font jouer. Mm-hmm. Et Cœur de Pirate, qui a gagné Artiste québécois, c'est le plus illustré hors Québec. Et c'est très drôle parce que, je sais pas si tu te rappelles la grosse saga qu'il y avait eu Kanye West quand il a dit que Taylor Swift n'aurait pas dû gagner, puis que Beyoncé aurait dû gagner, mais elle a fait la même chose. Non. Elle a dit « Je vais faire une Kanye West de moi-même. C'est Radio qui aurait dû gagner le meilleur album hip-hop de l'année et non Manu Militari. » C'est méchant, c'est France quand même. Elle a droit à son opinion, mais est-ce que tu dois vraiment aller le dire au gala? Ben, moi, j'ai trouvé ça... J'étais très d'accord avec elle, mais j'aurais jamais osé, mais c'était... Elle a vraiment pas la langue dans sa poche, en tout cas. Ouais. Puis au début, Manu Militari disait que, tu sais, il avait pas bien aimé ça sur le coup, mais dans le fond, ça lui donne de la publicité parce qu'il est pas... Il est plus ou moins connu, fait que... Ouais. Mais tant qu'à moi, Radio aurait dû gagner. Donc, c'est ça pour ce qui est de l'autre gala de la disque. C'est l'affaire de prix, tu peux pas remettre ça en question, il me semble. C'est une question, ça. Ouais. C'est l'Académie, c'est qui décide ça, la disque? L'Académie de peu importe, là. Ouais, mais la disque, en tout cas, moi, je remets en question beaucoup de choix de la disque. Ouais, ça. Honnêtement, il y en a beaucoup qui... Ouf, comme mon dernier, que je m'en allais oublier, dans les autres langues, donc... C'est Beast qui a gagné. Beast, que son album date de 2008. OK, ouais. Beast qui aurait dû gagner v'là 2 ans ouais. pour meilleur album. Puis là, ils viennent se rendre compte que Beast est populaire. Puis Beast, pourtant, a pas fait grand-chose cette année-là. Il y a eu un spectacle au D'Artagnan, ah, mettons, ouais, là, c'est demain, ça, on se rappelle. Ils n'ont pas fait grand-chose. Si on pense à tous les autres groupes là, qui tournent pas mal, puis toute l'équipe, là, c'est un peu décevant. Comme par exemple We Are Wolves, Plants and Animals, il y en a plein. Bon, Arcade Fire, ils ont sorti leur album pas dans les temps que couvre le gala. Oui. Mais bon, en tout cas. Eh, tu sais, bon, les prix. Là. Les prix. Ensuite de ça, je ne sais pas si tu connais Damon Albarn, qui était dans le groupe anglais Blur et qui est maintenant dans Gorillaz. Il prend vraiment pas de repos. Il est en grosse tournée avec le groupe Gorillaz. Et il a dit qu'il emportait avec lui un studio mobile en tournée. Et il est déjà en train d'enregistrer un prochain album pour Gorillaz. Il y a aussi un projet avec Tony Allen et Flea de Red Hot Chili Peppers. Et il dit planifier un autre album pour The Good, The Bad and The Queen, qui est un groupe qu'il y a avec Tony Allen, justement. Et aussi, il veut faire un album solo. C'est assez, assez occupé. Oui, c'est tartiné de plein de choses à faire, ça. En effet. Ensuite de ça, Of Montreal, qui ont une pièce coquette sur le palmarès, ils ont un nouveau clip pour la pièce Famine Affair. C'est un vidéoclip vraiment très drôle. Dans le vidéoclip, il y a comme... c'est comme un empire féminin. Il y a comme un homme par maison. Il y a plein de femmes partout. Puis l'homme ne sert qu'à reproduire. Non. C'est tout. Il n'a pas le droit de parler. Toute l'équipe, c'est vraiment très, très drôle. Et aussi, un concours pour remixer cette même pièce qui se tient jusqu'au 19 novembre. Cette semaine, il y a le nouvel album de Matt & Kim qui sortait, Sidewalks, et il y a déjà un remix de leur single Cameras du groupe Cassettes Won't Listen que vous pouvez écouter et télécharger sur somekindofawesome.com. J'aime ça les remix, moi je trouve ça le fun. Je suis comme dans une phase où j'aime bien les remix en ce moment. J'écoute pas j'aime. Mal de ça, ouais. Deux petites dernières nouvelles. Le musée Juste pour rire a annoncé qu'il fermait ses portes le 1er janvier prochain après 17 ans d'existence. C'est assez triste parce qu'il y a quand même le cabaret et le studio Juste pour rire, ouais, qui donnaient quand même pas mal de spectacles. Donc, assez triste. Si vous voulez retirer quelque chose, j'aurais pu retirer les gags Juste pour rire, non? Ouais. Tu sais, pour sauver de l'argent, ce serait pas pire, ça. En effet. Et bon, dernière nouvelle. Death Cab for Cutie ont dit en entrevue qu'ils n'ont pas tout à fait fini d'enregistrer leur 7e album qui devrait sortir quelque part en 2011 et qui n'a toujours pas de titre. Mais le frontman Ben Gibbard dit que l'album va pas être aussi emo que le dernier. Le précédent Narrow Stairs qui était un peu plus sombre et triste et on se coupe les veines, tout le kit. Là. Ouais, mais en même temps, c'est pas mauvais ça. Moi, j'aime bien ce son-là. J'aime bien Narrow Stairs. Mais bon. Puis c'est ça. Ils ont dit que ça allait être moins sombre, qu'elle allait avoir plus de synthétiseurs qui vont remplacer des guitares. Ça aussi, c'est le fun. Ça, j'aime ça. Ouais. Moi, j'aime ça, les synthétiseurs. Depuis quelques années, là, je suis stickée là-dessus. Ok, bien, j'ai hâte d'attendre ça. Salut. Moi aussi. On va voir dans la prochaine année. Alors, justement, on va aller écouter une pièce de Narrow Stairs de Death Cab for Cutie. C'est la pièce No Sunlight, tout de suite dans les palmarès. C'est fou. Au 89.1. Timing, c'était. Je l'ai là. Open sky could do. Dead Cab for Cutie et No Sunlight de leur album Narrow Stairs. Oui, qui vont sortir un album l'an prochain. C'est pas encore quand. On va espérer avoir des nouvelles bientôt. Est-ce que j'ai dit que c'était dans mes groupes préférés, ça, Dead Cab? Toi, est-ce que ça... Tu me l'as déjà dit, je pense. Top 10, je pense. Même peut-être 5. Moi, je sais pas. Je les connais pas assez. Il faudrait que je prenne le temps parce que oui, j'aime ça. Je sais que j'aime ça, mais je connais aucun de leurs albums, aucune de leurs pièces. C'est les plus récents que je connais moins. Moi, je connais plus les anciens. Mais je sais que j'aime ça. Je vais se partager. Puis tout. C'est peut-être pas dans mon top 10, par exemple. Bon. Donc, c'était la chronique Guess What de Stéphanie Gagné. Oui. Merci beaucoup. Ben, de rien beaucoup. Ouais. On va continuer avec le palmarès. On était rendu à la 11e position. Exactement. Oui? Du côté anglo, ça va être Final Flash avec The Awakening. Ça monte de 4 places. Et côté francophone, c'est Chinatown avec Bateau de querelle. C'est sa 4e semaine et c'est déjà en train de baisser. Oh. Ça baisse de 6 positions. On écoute ça dans les palmarès. C'est fou au 89.1 FM.

l'essence et tu es la montagne, et tu es la montagne. Écoute, tes cheveux se débrochent en motocross comme des vagues et ton bain jusqu'au torse en motocross dans les arbres. C'était long et vraiment fucking plat. J'aurais préféré t'emmener en motocross dans les Alpes, sentir ton cœur battre dans mon dos, dans mon dos. Écoute, tes cheveux se débrochent en motocross comme des balles. Baigne jusqu'au torse en motocross dans les Alpes. Numéro 9. We'll be right back. Seigneur. Ces belles chansons, vous pouvez les entendre surtout à CFOU FM. CFOU en ligne, une présentation de Infotech Internet. Nelly Grove Band avec Ghosts at My Back, position numéro 8 anglophone, ça descend de 2 places. Juste avant, c'était la Pata Rose avec Waikiki qui monte de 10 positions. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Avant ça, Jimmy Hunt et The Saltines en position numéro 9. Je vous rappelle que vous pouvez aller retrouver les palmarès C'est Fou au complet sur le site internet www.cfou.ca. Allez voir le nouveau site de C'est Fou, www.cfou.ca. C'est là et c'est maintenant pour votre plaisir. Alors, on est rendu position numéro 7 du côté anglophone. On va entendre Brand Van 3000 qui monte de 13 places par rapport à la semaine passée où c'était une nouvelle entrée. Elle s'appelle You. Et côté francophone, c'est les frères Goyette qui étaient au numéro 1 la semaine dernière avec La balle est dans mon camp qui baisse de 6 positions. Oh oui! C'est pas mal, c'est fou ça. Hein? Ben oui. C'est fou.ca. Nouveau site, es-tu allé sur le nouveau site? Oui, je suis allé hier. Ouais. Reconstruction, ça. Hein, ça s'en vient. C'est... On va se rendre au but. Un gun sur la tente. Vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur tête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Essuyez-vous avec mon drapeau blanc. Mon tiroir caisse. Je fus dans la mire. J'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Marche pas vite vite sur la gâchette. Je ferme la chope mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Moi un bon coup de semence, pis la balle est dans mon camp. Sur le chemin du retour, j'ai pris un long détour, me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie, j'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand temps que je rentre dans le dos. Rocky rhymes a rally to the top like back in Cali. Taking shots out in the valley where they flock. City blocks and kids converge to the birds with soccer moms and caravans. Love the jam. So much can be planned. Life forgiveness to be lived. Feeling for another dose. Getting high who you is. Solar system. You can feel the vision. You can see the rhythm. Lighting in the mission. Heart racing as we stargazing. Taking in all that surrounds. Baby, I ain't coming down. Feeling for a constant fix that softens any heart the hardest. Believing even Adam had his feeling in the garden. Believing dreams you had and fathom bliss within your reach. Stretch beyond imagination. Learn the lessons they can't teach. Without wings we lift off. Drift off and get lost. Only to find we're much closer than we first thought. Only to shine in the darkest of times. Harvest divine. Plant seeds for future to find. In my heart I'ma keep you in mind. Just to get by. Cause an image of you's enough to get high. Band 3000 avec You, position numéro 7, anglophone, ça monte de 13 places. Avant, c'était Frère Goyette avec La Balée dans mon coin, qui était le numéro 1 la semaine dernière. Quel bon bloc, quelle bonne émission, les palmarès, c'est fou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la fin de la deuxième heure, il nous en reste une troisième, il va y avoir entre autres les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique qu'on appelle. Oui, il va aussi avoir beaucoup de bons groupes, Ariel, Atomic Baobab, Chili Gonzalez, Random Recipe, plein de bonnes choses. Un beau petit top 6 vous attend, restez là. Compléter en disant 89.1. C'est le nom de la station. C'est les palmarès, c'est fou. Troisième heure pour cette édition du 1er au 7 novembre 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Il nous reste les six premières positions à entendre. Donc, on va se dépêcher. Hein, il reste juste une heure. On va faire un petit bloc de deux positions de chaque côté. On va entendre plus tard Atomic Baobab et Random Recipe, ainsi que Tokyo Police Club. On va commencer par la sixième francophone. Oui, c'est Carquois avec le pyromane qui monte de 9 positions quand même. Ouh! Troisième semaine au palmarès. Ça met le feu aux palmes. Ouais. Des blagues comme ça mauvaises, il y en a dans les meilleurs moments d'assemblage requis qui vont suivre juste après ce bloc de 4 pièces. Ça va être dégueulasse. Hein. Bon, on aime ça de même. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Le pyromane, ça commence maintenant. C'est celle-là, ouais. C'est bien ça. Prends le pas mal. Je suis creux dans la spirale. Abus de butin, vapeur de kérosène. I wanna tell you there's a really good reason why I came home with you.

résidence d'aujourd'hui, puis la radio de demain. Les palmarès, c'est fou, seront de retour dans 1 minute 48 et un petit peu plus, mais à peine. Red lipstick, black dress.

Man of Talk et la pièce Quarry Hymns. Ça monte de 5 places en position numéro 2 anglophone. Et avant, c'était Jérôme Minière avec Des pieds et des mains. Et on est rendu à nos numéros 1. Oui, Colin, puis on a à peine, on a même pas de temps pour faire des jeux de mots. Là. T'sais, c'est comme, faut comme skipper d'Alpé par-dessus. T'sais. Skipper d'Alpé? Skipper d'Alpé? Non. C'est comme, mettons, c'est comme une mauvaise pièce sur un CD que tu passes par-dessus une fois de temps en temps, tu sais. C'est la... loin d'être le cas pour mon numéro 1. Oui, exactement. C'est pas mauvais du tout. C'est même plutôt bon, tu sais. Je me sens seul dans mes jeux de mots. On dirait que tu comprends pas. Je me sens comme un orphelin des jeux de mots, mettons. Fait que j'ai fait des jeux de mots sur les pièces, puis vous saurez ce que ça veut dire après. Hein. C'est subtil comme ça. C'était comme... Fichou! Par-dessus la tête. Chouing! Fichou. T'as aimé mon fichou? Fichou-chouing. Fichou-chouing. C'est comme du feng shui, mais d'une autre façon. C'est comme du fichou-chouing. C'est asiatique. C'était la position numéro 1, mais avant de dire nos numéro 1, on fait un petit résumé rapide. En troisième anglo, c'est Weezer avec Ruling Me qui monte de 2. En deuxième, Land of Talk avec Quarry Hymns qui monte de 5. On vient d'entendre The Gaslight Anthem avec Orphans qui monte de 1. Côté francophone, troisième position, Vulgaire Machin avec Je m'excuse, je t'aime. Deuxième position, Jérôme Minière avec Des pieds et des mains qui monte de 4 positions. Et le numéro 1, c'est JP Dalpé avec Mauvaise Track qui monte de 2 positions. Et c'est quand même sa 7e semaine au palmarès. Je serais heureux qu'on ait le temps pour passer une pièce du palmarès électronique. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission de qu'est-ce qu'il y avait dans le top 3. On va y aller seulement avec ce qu'on va entendre maintenant. C'est la position numéro 2, la pièce Spain du trio américain Blonde Redhead. C'est tiré de l'album Penny Sparkle qui est en deuxième position du palmarès électro. Donc c'est l'album qui est dans les palmarès, évidemment. Pas la pièce, on le dira jamais assez. C'est la fin des palmarès pour cette semaine. Stéphanie reste avec vous pour une pêche en émission. Qu'est-ce qui s'en vient? Plein de bonnes choses. On va entendre Our Book and the Authors. On va parler du dernier album de Matt and Kim qui est sorti cette semaine, Sidewalks. Franz Ferdinand, Polype, Antoine Graton, Radio. Plein de bonnes choses. Là, c'est là pour ça, c'est une pêche en mission, ça s'en vient jeudi à 17h, on rappelle mercredi, en fait ça a changé de jour ou d'heure, allez voir sur le site if.ca, ça a changé de place mais je m'en rappelle pas, hein? je le dis. Restez là pour les auditeurs du jeudi, donc pour une pêche en mission, mais les auditeurs du vendredi, eux, vont aller rejoindre les lutins de l'enfer qui s'en viennent à 20h, passez une excellente fin de semaine, bye Stéphanie. Bye Mathieu. Merci d'avoir été là, t'es fine. Oh, je suis. On est-tu l'air pressé quand on parle super vite demain? Un peu. Un peu. On va parler à la François-Olivier Marchand. Et Colin, ça va être long, ça. Oh, on défoncerait d'une heure ou deux. Ah, il est possible que ça. On se complète tellement bien. Un qui parle beaucoup trop vite, l'autre beaucoup trop lentement. Pas de milieu.